Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Edith Simon, comme le disait Katerina. Je suis doctorante au sein du laboratoire de métier d'histoire de l'architecture de l'école de Grenoble. Et le travail de thèse que je vous présente aujourd'hui démarre tout juste avec un contrat doctoral qui est débuté en janvier 2017. Et ce travail s'intitule à ce jour Écosystème foncier et établissement humain. Sol aux formes bâties et paysagères, quel mode d'habiter les territoires. Donc cette thèse s'effectue sous la direction de Catherine Bonnier, qui est ici présente, et de M. Vincent Renard, qui est économiste, qui enseignait à Paris. Donc pour amorcer la présentation de cette recherche en cours, il est important d'expliquer comment celle-ci s'est construite. En effet, deux expériences ont profondément marqué la jeunesse de ce travail. La lecture du livre « Utopie foncière » et la découverte d'un territoire semi-désertique en Iran. En tant qu'étudiant en architecture, aborder la notion de territoire n'est pas chose facile. Et lire « Utopie foncière » d'Edgar Pisani constitue une entrée passionnante dans cette complexité. L'ouvrage est un essai critique qui éclaire l'évolution en France des relations entre l'homme et la terre depuis les sociétés primitives jusqu'à nos jours. Son auteur, homme politique, préfet, sénateur, plusieurs fois ministre, joue un rôle clé dans la mise en place de la politique agricole commune en Europe. Et nous retiendrons deux points de ce livre. D'une part, sur la question de la propriété du sol, que la propriété du sol, pardon, est intrinsèquement politique. Celle-ci incarne en effet la contradiction permanente, nécessaire et irréductible entre l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. De plus, le statut fondamental de la propriété foncière réside dans les rapports de complémentarité et de continuité entre espaces urbains et espaces ruraux. On constate donc que le sol ressource, et plus encore son statut, occupe une place centrale dans la question des processus d'anthropisation. En tant qu'architecte, ceci nous amène à interroger les interactions entre types de propriété du sol, mode de vie et forme de l'établissement humain. Un premier travail de recherche demande d'explorer la définition d'un système foncier. Un système foncier se définit comme l'ensemble des règles qui régissent à la fois l'appartenance et l'usage des sols comme territoire, permet à une société à une échelle de gouvernance donnée d'administrer cette ressource considérée comme matière première de l'espace anthropisé. Et ce système conjugue et cristallise notamment les composantes historiques, culturelles, économiques et politiques d'un territoire. En questionnant les modèles agricoles et la souveraineté alimentaire, la pression des milieux urbanisés sur les ressources, l'implantation d'activités locales au sein d'une économie globale, le foncier met en tension de nombreux enjeux fondamentaux de la planification des territoires. Notre objet d'étude se situe ainsi à la croisée des disciplines qui fondent, fabriquent et fixent les conditions de vie en société. La seconde expérience marquant le début de ce travail fut d'explorer le territoire de Yazd au climat semi-désertique en Iran. Le devenir de ce territoire qui se désertifie pose en premier lieu la question du manque d'eau et de l'impact de cette rareté sur les modes de culture, mais aussi sur la qualité des sols qui subissent érosion et salinisation. La pression grandissante de l'ère métropolitaine interroge le rôle d'une infrastructure d'irrigation qui est millénaire et construite par les habitants, les Ranat. Vous voyez ici, parcourir le désert. Ce réseau a structuré l'établissement des lieux de vie ruraux et urbains, déterminé le partage des terres arables. Le paysage en est donc fortement marqué. Ce réseau d'eau territoriale, mis en place grâce à un régime de propriété collective et de droits coutumiers, permet encore en certains endroits d'approvisionner les habitants en eau et d'accompagner la mutation d'autres usages d'intérêt collectif, touchant par exemple à l'éducation, à la santé. On établit alors un deuxième constat. Le statut du sol et les usages qui lui sont associés conditionnent les milieux habités dans l'espace et dans le temps. C'est donc bien l'envie d'approfondir ces premiers questionnements issus de l'expérience qui enclenche le projet de thèse. Prendre la décision d'effectuer une année préparatoire au doctorat a permis d'approcher un objet d'étude inter- et pluridisciplinaire et de balayer une première fois un matériau théorique multiple. Ce temps a également permis de prendre connaissance des réseaux de recherche existants sur le sujet, comme l'Association des études foncières ou celle des jeunes chercheurs du foncier. Et participer au séminaire de l'École des hautes études en sciences sociales ou à des cycles de conférences en urbanisme, en géographie, vous a fait prendre conscience de la quasi-absence des architectes dans les débats sur les questions foncières. Ce premier état de l'art constitue une étape nécessaire pour problématiser notre objet d'étude. Le sol peut-il être entendu comme outil de relecture des espaces habités ? Et pour cela, il semble essentiel de poser la question de son statut foncier en termes d'écosystème. Cette première construction conceptuelle amorce la problématique de recherche suivante. En proposant l'écosystème foncier comme outil de lecture des formes d'établissement humain, cette thèse en architecture interroge d'une part le statut du sol dans la formation des espaces habités, d'autre part les usages issus de cette interaction sol-habitat. Enfin, un écosystème foncier spécifique façonne-t-il la genèse des formes bâties et paysagères d'un territoire et la manière dont on l'habite, et si oui, comment ? Dans un premier temps, on se demande pourquoi la notion de système foncier n'est pas suffisante pour comprendre les enjeux de la pensée du sol du territoire du XXIe siècle. Pourquoi parler d'écosystème foncier pour interroger le statut du sol dans les processus d'établissement humain ? Si cette notion conserve le système, donc qui cristallise, comme on l'a vu, les dimensions historiques, économiques et politiques du sol, l'écosystème, quant à lui, permet d'effectuer un croisement avec d'autres enjeux, notamment écologiques, sociaux et culturels, qui seront spécifiques et propres au territoire. La notion d'écosystème vient souligner le caractère vivant de la ressource sol. L'expérience de Liron a montré que les logiques du lieu permettent d'analyser la morphologie des espaces et envisager la survie du territoire. Par ailleurs, l'histoire environnementale nous apprend que science des sols et construction de la planète comme écosystème sont proches parentes. En effet, le fondateur de la science des sols, Vassili Dokhtchaïev, issu du champ de la géographie russe du XIXe siècle, exercera une grande influence sur un de ses élèves, Vladimir Vernadsky, qui théorisera à son tour, en 1929, la planète Terre comme biosphère, c'est-à-dire comme écosystème dynamique. La notion d'écosystème foncier insiste alors sur le lieu d'ancrage au sol et sur l'unicité de cette ressource vivante au sein d'un tout planétaire. Fondamentalement, le sol est à la racine de la vie terrestre et il en dépend. Cette notion permet aussi d'inscrire cette ressource sol au sein d'une économie globalisée. Saskia Sassen, sociologue et économiste théoricienne de la vie globale, recourt aussi au concept de biosphère. Son dernier ouvrage, Expulsion, montre notamment comment les phénomènes de marchandisation et d'accaparement des terres dans un monde globalisé engendrent l'exploitation et la surexploitation des hommes à qui on retire les conditions de vie. Son travail propose donc une interprétation de la globalisation comme processus situé que la notion d'écosystème foncier souhaite souligner. Et si l'économie globale ne fait qu'augmenter le nombre et les types d'acteurs des marchés fonciers, on constate que cette pluralité d'acteurs se traduit en termes de temporalité. Les processus de construction et de renouvellement des espaces engagent en effet des temporalités multiples qui se succèdent, se chevauchent, mais qui sont aussi souvent dissociées. Le caractère dynamique d'un écosystème vient donc mettre en évidence cette importance du temps pour comprendre les processus d'établissement du monde. Et pour comprendre les effets spatiaux d'un écosystème foncier, nous devons approcher la diversité de ces rapports au temps du foncier. Beaucoup de propriétaires ne partagent en effet pas les mêmes intérêts, et dans cette diversité d'acteurs, deux grandes catégories peuvent être identifiées. Le temps financier, segmenté selon les logiques et les contraintes financières de chaque type de propriétaire, et celui de la planification, qui met en lumière le temps long de l'aménagement des territoires. Dans cette perspective, on peut utiliser et recourir à la notion de temps consolidé du géographe Marcel Roncaiolo, qui définit le territoire comme un temps consolidé et propose une lecture des lieux de vie, à la fois dans l'espace et dans le temps. Cela permet d'identifier la trame parcellaire comme partition spatio-temporelle des territoires cadastrés, et elle cristallise les caractéristiques d'un écosystème foncier. Le territoire s'entend alors dans cette recherche comme le lieu de sédimentation et d'expression d'un écosystème foncier, et ce dernier est proposé comme outil de relecture de l'espace-temps territorial. En faisant le constat qu'une société se fonde dans son rapport au sol, certains architectes et urbanistes ont placé la question du statut foncier au cœur de leurs travaux. Et si la prise en compte du sol comme ressource à préserver est une question aujourd'hui connue dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme, la question du statut du foncier reste peu posée, et cela nous permet de poser les jalons d'une première hypothèse de travail. Comment la question du foncier est-elle effectivement abordée dans le champ architectural, urbain et territorial ? Et pour répondre à ces questions, à cette question, nous avons identifié deux types de travaux définissant le statut du sol comme élément clé dans la pensée du territoire. Le premier regroupe des projets de territoire conceptuel en quête d'un écosystème foncier idéal, et le second réunit des ouvrages de théorie architecturale et urbaine dans lesquels la question du sol est l'objet du livre même ou d'un chapitre important. Cette quête d'un idéal foncier, de nombreux projets utopiques et communautaires à la poursuite d'idéaux sociaux égalitaires ont recours à un sol collectif, et le premier exemple en est bien sûr Utopia de Thomasson, de 1516. Cette quête d'un idéal foncier nourrit la pensée de trois projets de territoire utopique majeurs du XXe siècle. Le concept de Garden City, dont nous avons parlé précédemment, proposé par l'architecte par le britannique Ebenezer Howard dès 1898. Rodecker City, imaginé par Frank Lloyd Wright à partir de 1932. Et enfin, la ville radieuse de Le Corbusier, conceptualisée à partir de 1935. Grâce à un questionnement profondément spatial, ces architectes projettent une définition précise de droit d'usage et d'accès au terrain et aux ressources. Au sein d'une unité de vie dont la taille est définie par la possibilité d'effectuer ses trajets quotidiens en marchant, Frank Lloyd Wright imagine que chaque famille doit avoir droit à une maison individuelle et un terrain si elle s'engage à faire fructifier ce dernier. Ebenezer Howard propose quant à lui de dissocier la propriété du sol de celle du bâti au sein d'un maillage du territoire, la propriété foncière étant trop onéreuse pour les ménages, car sujette à la spéculation. Il propose de l'acquérir collectivement sur le long terme. Le Corbusier plaide lui aussi pour un nouveau statut du foncier et énonce que ce principe clé de la propriété régit tout autant le fonctionnement des futures unités d'habitation que celui de la ville radieuse, des fermes et villages radieux. Si la réalisation de ce projet à une échelle urbaine ou rurale suppose un nouveau statut du foncier, un remembrement intégral ne signifie pas non plus confiscation ou nationalisation de la propriété foncière individuelle. Mobiliser le sol serait une action dont le seul but est de mettre en valeur les richesses et les ressources de la terre pour le bienfait des hommes. Et je cite Gilles Rimbaud, qui rappelle que cette mobilisation du sol occupe aussi une place de choix dans la charte d'Athènes publiée en 1943. Ces projets conjuguent la pensée d'un rapport à la terre à celle des modes de vie et d'habiter, de formes de propriété foncière, de droits d'usage et de type d'habitat. Leurs auteurs considèrent en effet l'écosystème foncier en tant que paramètre nécessaire pour penser des espaces dotés de nombreuses qualités d'usage. Les sciences et théories économiques sont mobilisées dans ces productions afin de saisir des phénomènes complexes qui sous-tendent la manière dont les territoires sont transformés. Ces projets contiennent donc une forte dimension idéologique. Un des enjeux de cette recherche est aussi de saisir comment est analysé le problème foncier dans les ouvrages fondamentaux d'architecture et d'urbanisme. Et on procède pour ce faire à une relecture thématisée et critique de ce matériau. C'est un enseignement relatif au foncier fait défaut aujourd'hui au sein des écoles d'architecture. L'homme politique et suisse Franz Bernoulli souligne au milieu du XXe siècle l'évitement des questions foncières dans les ouvrages de référence en urbanisme. Il souhaite y remédier en publiant en 1946 « Le sol des villes », où il propose une lecture typomorphologique des espaces éclairée par des théories économiques, financières et politiques. Finalement, sa thèse fait l'éloge de la propriété foncière publique et indivisible. Et en filigrane, l'auteur préconise une tabula rasa foncière pouvant régénérer durablement les territoires. En 1966, Aldo Rossi reprend ce travail dans Sperouli, dans l'ouvrage L'architectura della città. Et si l'on souligne la pertinence, il vient également contrebalancer cette analyse de Bernoulli, qu'il juge trop orientée politiquement, par une thèse beaucoup plus conceptuelle. En 1986, l'architecte urbaniste italien Bernardo Secchi place à son tour les enjeux du foncier au cœur d'une lecture de la ville contemporaine grâce au Progetto di Suolo. Et la vie contemporaine, indissociable des multiples systèmes dans lesquels elle puise ses potentialités, serait en priorité, et selon Bernardo Secchi, un projet foncier capable de construire un horizon de sens pour une ville inévitablement dispersée, fragmentaire et hétérogène. Ce qu'on constate dans ces trois, c'est que ces trois ouvrages ont des liens de filiation importants. Bernardo Secchi va citer à la fois Rossi et Bernoulli, qui se seront également cités entre eux, et que à chaque fois le système foncier est proposé comme un outil de relecture des formes d'établissement humain. Et la problématique de recherche de cette thèse propose une relecture des formes de l'établissement humain par le statut du sol. Et le choix des éléments de corpus doit donc permettre de mesurer les effets d'un écosystème foncier sur l'espace et les usages en place. Afin d'entrer dans l'analyse de formes bâties et paysagères habitées en regard des propriétés foncières sur lesquelles elles s'érigent, notre travail mobilise trois territoires comme lieu d'étude. Encore en cours, cette sélection des éléments de corpus répond à plusieurs exigences. Face à l'infinie diversité des systèmes fonciers existants, il est nécessaire de retenir des territoires présentant des facteurs unificateurs. Par exemple, les systèmes fonciers utilisés depuis très longtemps en Europe peuvent en être. Ces territoires permettent de mettre à l'épreuve l'hypothèse selon laquelle la propriété foncière conditionne les formes et les modes d'habiter un territoire. Dans ce but, nous avons donc sélectionné trois territoires européens. Celui de Leipzig en ex-Allemagne de l'Est, de Rotterdam aux Pays-Bas et du Valais entre Suisse romande et Alexandrie. Au sein de ces régions fortement décentralisées, les enjeux de gouvernance foncière se posent à l'échelle locale, celle du Land en Allemagne, du canton en Suisse et de la province aux Pays-Bas. À cette étape de la thèse, nous sommes en pleine exploration de ce corpus et ce sont les spécificités foncières de ces différents territoires qui viennent interroger l'hypothèse principale que vous avez vue précédemment et préciser une problématique. Inscrit dans la haute vallée du Rhône, dans le massif des Alpes et à dominante rurale, le territoire du Valais s'est développé en conservant des propriétés collectives au sein des communes qui le composent. Le canton du Valais est donc l'exemple de la coexistence au sein d'un même territoire de multiples formes de propriétés, à la fois collectives, privées et publiques. Ce territoire permettra donc de lire les éventuelles traductions spatiales d'une telle diversité de statuts fonciers. La région métropolitaine de Leipzig en ex-Allemagne de l'Est a connu des mutations successives et radicales du statut des sols. Confronté en effet à la collectivisation du foncier sous le régime communiste, ce territoire a ensuite connu un processus de reprivatisation suite à la réunification du pays. On émet l'hypothèse que ces changements de régime politique et donc foncier pourraient avoir des effets sur les structures architecturales et paysagères de ce territoire. Et comment se manifeste La question est comment se manifeste dans l'espace un sol nationalisé ou reprivatisé, si cette manifestation a lieu, et quelles sont les conséquences en termes de mode d'habitat. Enfin, le territoire de Rotterdam, souvent remodelé et submergé par la mer, connaît le régime historique d'une propriété foncière publique. Ceci permet à la collectivité de conserver au fil du temps une profonde maîtrise de l'aménagement de son territoire. Et la question que nous posons est alors celle de révéler ou non les formes architecturales et paysagères spécifiques à cette conception du sol public. Et finalement, au cœur d'un espace fortement contraint par la mer, la maîtrise publique du foncier traduirait-elle une pensée géographique du territoire? Ces lieux questionnent de différentes manières la façon dont on structure et on façonne les territoires par un statut foncier. Les géographies particulières de ces territoires permettent de questionner, à la lumière de leurs écosystèmes fonciers, différents rapports entre espaces habités et ressources. Et d'un point de vue méthodologique, ce début de thèse est aussi le moment d'une grande exploration. Néanmoins, dans le cadre d'une thèse de doctorat en architecture, nos méthodes et outils d'analyse permettront avant tout de spatialiser les phénomènes observés. Le recours à la cartographie basée sur des systèmes d'information géolocalisés sera un outil précieux pour compiler différents types de données, et ceci sera articulé avec un travail en coupe à différentes échelles. Ce mode de représentation de la coupe permettra de mettre en relation le statut de la propriété du sol avec la géographie du territoire, mais aussi les formatiers paysagères et les usages en présence. Je conclurai donc aussi. Dans un contexte de globalisation de l'économie, où la place et les enjeux du local sont redéfinis, le foncier se configure comme un lieu d'échange entre chaque lieu et la biosphère. Dans un contexte de dispersion de l'habitat et de pression démographique, cette thèse en architecture pose le problème foncier en termes d'écosystème. Ceci pour mieux lire les milieux habités sans réduire, leurs spécificités. Et finalement, ce travail de compréhension des structures fondamentales de l'établissement humain est nourri en filigrane par la question posée par Edgar Pisani, qui est la suivante. Comment faire pour qu'entre ville et campagne notre territoire devienne un, et comment faire pour que chaque être trouve une place vivre pleinement. Je passe la parole à Karine. Complet et intéressant. Malheureusement, on veut que j'essaie de poser des questions. La première question, c'est assez amusant comment vous avez parlé de Pisani, parce que Pisani, il est l'auteur de la loi d'orientation foncière de 1967, de la réorganisation du ministère de l'équipement avec les études et les programmations qui n'ont pas très bien marché, les gens qui ont fait dans la réhabilitation, etc. Bref, il est à l'origine, avec tout son environnement, non seulement d'une volonté, mais même de la production des conditions de mise en application d'une politique de passage d'un système foncier à un autre, relativement brutalement, les territoires à urbaniser. Pour être plus clair, donc dans cette, peut-être que je me trompe, peut-être que je corrigerai là-bas les spécialistes, mais enfin cette loi d'orientation foncière crée une description du territoire, certes, où on décrit son système foncier, mais où on dessine des zones NA à urbaniser prochainement, NB à urbaniser plus tard, NC à ne pas urbaniser parce qu'elles sont d'intérêt agricole, et ND à ne pas urbaniser du tout parce qu'elles sont d'un intérêt environnemental. Ouais, beaucoup parlé de tout ça. Mais en tout cas, Pisani, vraiment, est un des agents de ce passage brutal d'un système à un autre et d'une brutalité. Alors, mon âge fait que j'ai vu même des choses candides et naïves, dans le genre, un ami qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs Pierre Calarme, ingénieur des ponts et chaussées, qui était sous-directeur à l'action foncière au ministère, qui dit, mais je ne comprends pas, les agriculteurs dont la terre est en zone NA, ils ont tout à fait intérêt à la vendre à la commune ou à l'État ou à Tartampion pour l'urbaniser, ils vont gagner de l'argent en plus. Et ils ne le font pas. Alors on va faire une grande enquête psychosociologique pour comprendre pourquoi ils ne vendent pas leur terre. Donc vous voyez, on était vraiment dans cette ambiance. Bon, encore récemment, peut-être pas en France, mais bon, si on prend l'exemple de Rio de Janeiro, enfin, d'autres endroits, on a des Jeux Olympiques qui consistent à fabriquer mise à la porte de quartiers entiers pour installer des autoroutes, etc., pour aller au stade. Donc on a vraiment un changement, un changement de statut foncier. Et là où je voudrais en venir avec méchanceté, c'est qu'il me semble que les architectes jouent un rôle fondamental dans ce changement de statut, dans la production des projets qui vont justifier ce désir de changement. Hein. Et donc, d'autres architectes, dont apparemment vous faites partie, mais j'en sais rien, ils sont plutôt pour la protection des systèmes fonciers existants, des populations pauvres qui se louchent dedans, etc. Mais ces architectes-là sont dans une position, enfin, souvent par rapport à l'État et aux municipalités, de défense, de représentation de ces populations pauvres et tout, et pas dans une attitude active. Je pense aussi aux trucs construits par Zaha Hadid, par exemple, un grand machin énorme. Donc voilà, première question, les architectes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Deuxième question, j'avais eu votre texte, donc je l'avais lu avant. L'impression que vous parlez des systèmes fonciers comme d'une chose homogène, à même déjà à une certaine échelle ou une échelle certaine dans les territoires dont vous parlez, et que ces territoires ne seraient pas déjà une espèce de chaos, pourrait-on dire, de plusieurs systèmes historiquement entrés en conflit. Et alors j'en viens à vos trois terrains. Bon, pour moi, quand vous dites que c'est des régions décentralisées, le Valais, je ne connais pas en plus, mais la Suisse, en effet, c'est décentralisé, il n'y a pas de problème. Mais Rotterdam, qui est le port de toute l'Europe, hein, c'est peut-être décentralisé sur un plan politique, parce qu'en effet, aux Pays-Bas, c'est des villes-ports, et donc c'est la communauté portuaire qui gère le port. Mais donc c'est décentralisé par rapport à l'État sans doute, mais ce n'est pas décentralisé par rapport au grand capital, comme on dit, mais par rapport aux différentes firmes qui ont leurs installations portuaires. Donc c'est un système qui est soumis à une pression économique colossale et qui peut-être résiste d'ailleurs. C'est-à-dire que peut-être votre analyse montrera que malgré tout, il n'installe pas ces trucs portuaires n'importe comment. Bon, ça, bien, c'est très utile. Le troisième, Leipzig, vous ne dites pas une chose qui paraît très importante, c'est que, d'accord, municipalisé ou communistisé, enfin, j'en sais rien, libéralisé, mais la population a été divisée par deux au retour au libéralisme. Et ça a permis, à travers les quelques travaux que je ne connais pas bien, hein, mais ça a permis de revoir ce système foncier complètement différemment parce que la pression urbaine n'est pas la même. Alors je voudrais rajouter un cas vécu à vos trois cas, qui est la ville de Wuhan en Chine. Parce que là, donc, j'ai été invitée à un colloque sur le verdissement de la ville, et puis en se baladant dans la rue, on pouvait acheter, hein, dans une ville communiste chinoise, une carte de la ville avec le prix de toutes les opérations immobilières par quartier. Et on voyait, d'ailleurs c'est déjà écrit dans les manuels d'urbanisme, il me semble, que nos communistes chinois avaient mis comme prix au centre, enfin ils avaient épousé toutes les règles de l'urbanisme de la grande ville française, hein, c'est-à-dire que la répartition du centre à la périphérie, les prix diminuaient en allant vers la périphérie. S'il y avait un petit lac, les prix réaugmentaient et ainsi de suite. Donc leur territoire urbain était évalué absolument comme un territoire capitaliste. Et en plus, quand on se baladait dans la ville, du coup, en vérifiant les opérations en cours, on s'apercevait que le niveau de luxe des opérations en cours était en train de réaliser cette projection de la ville capitaliste sur le sol de la ville chinoise. Et donc ça, je trouve que c'est assez passionnant. Et le système foncier, en même temps, garder des avenues restant les mêmes, des arbres à la manière qui, paraît-il, ont été amenés par des missionnaires jésuites, des platanes peints en blanc en bas. Donc oui, ça c'est intéressant aussi par rapport à ce qu'on raconte en France, c'est-à-dire que le réseau viaire restant le même à travers tous les âges en question, mais c'est ce qu'il y avait dans les îlots qui changeait. Bon, voilà, deux petites réflexions pour démarrer la discussion. C'est là que je peux déjà dire quelque chose sur la vision peut-être trop homogène du système ci, du système foncier. Et c'est vrai que je suis en pleine exploration de ces diversités, de ces complexités aussi, en tant qu'architecte, pour rentrer dans les réseaux de droits, d'usages, qui sont chevauchés, qui sont moins intéressants que les sociétés collectives, privées et publiques. Et justement, ça va être un des enjeux, donc un travail qui a été fait par moi, c'est de construire un tableau, un petit peu de lecture, avec à chaque fois, pour chaque site, de décrire quels sont les droits, quels sont les régimes fonciers qui sont à l'origine et qui peuvent se décliner peut-être en différents faisceaux de majeur, en fait, selon les territoires. Mais c'est vrai que ce sera un enjeu du travail de pénétrer à l'intérieur des lignes. Du recul en fait sur cette question du commun, parce que dans le cadre de la mention recherche, j'ai donc analysé ces propriétés collectives en Iran, et c'est vrai que c'était un peu élogieux et je manquais de recul sur cette question. Du coup, le fait donc de suivre des séminaires en discipline universitaire, on va dire, m'a permis vraiment de distancier ça et de comprendre les tenants politiques, économiques aussi de cette éradication des communs ou de cette promotion des communs. Et c'est vrai que j'essaye, en tout cas là, au début de la thèse, de me distancier de cette question-là et de vraiment interroger la propriété dans ces modes de déclinaison possibles et non pas de plonger dans le débat collectif ou non. Je trouvais ça un petit peu risqué, peut-être trop engagé. Anthony ? Oui, moi j'ai trouvé vraiment très intéressant ton exposé. Et j'ai trouvé une question simple pour pouvoir poser ma question. Cette notion d'écosystème foncier, c'est toi qui la forges ? Oui, ouais, c'est ça. Comment ? Enfin, j'ai du mal à le faire transparaître, apparemment. Ah non, parce que tu es en début de thèse, c'est ça ? Et je trouve ça vraiment. Oui, c'est une très belle notion. Et qui a des implications, à mon avis, et notamment épistémologiques, assez importantes, dont tu n'as peut-être pas encore tout à fait pris la mesure, notamment sur le plan méthodologique. Je vais essayer de m'expliquer. Je pense que en rajoutant ce écho, tu donnes une place au sol en tant que vivant importante. Et je me demande du coup si ça n'implique pas d'aller vers des épistémologies qui opèrent une symétrisation. Puisque ça a l'air d'être un peu l'objet de ta thèse, d'aller vers une symétrisation entre sol et habitat, où le sol est également un actant, pour parler comme la tour, je sais tout. Et du coup, je ne pense pas que Pisani a ça en tête, mais que chaque être trouve une place où vivre tellement. Moi, j'y vois aussi le sol. Et du coup, à mon avis, au niveau méthodologique, ça va impliquer que tu fasses aussi une enquête écologique, non ? Alors, les frontières vont se définir aussi en allant visiter les territoires, je pense. Pour l'instant, j'ai un peu trop de distance avec eux. Et Mais c'est vrai que l'enjeu de la thèse, c'était au départ de poser la question du sol, donc ça, avec l'écosystème, je veux dire, c'est une ressource vivante, elle est complexe et que ça pose des questions en termes de rapport économie rurale, économie urbaine, et d'équilibre en fait entre ces activités humaines. Et de faire plutôt surgir les problématiques économiques et politiques et culturelles qui viennent un petit peu perturber en fait justement ce vivant, mais du coup de pas entrer directement en tout cas dans la question du sol vivant, parce qu'en plus je sais qu'il y a une autre thèse qui est en cours qui pose la question du sol, mais là vraiment dans sa nature géologique, dans le sol cultivable, de terre arable. Et l'idée c'était vraiment de défaire aussi des questions d'agriculture urbaine, voilà, toutes ces choses-là, et d'entrer dans la question par le foncier, et du coup par la multiplicité de cet justement écosystème. Après c'est effectivement le composant de phare et qui en tout cas nous tient à cœur également, faut le dire, c'est vrai. Et donc ce sol vivant, à mon avis, aura forcément une place, mais je ne peux pas encore dire de quel ordre, de quelle nature. Oui, moi je voulais poser une question à Benoît et à Élise en même temps, parce que j'ai pas eu le temps de la poser tout à l'heure, en fait elle est malade maintenant aussi, parce que je trouve que dans les deux sujets, il y a le même genre de problème, très classique finalement, des sciences à substrat théorique un peu en construction, on va dire faible, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a de nouveau technique, où est-ce qu'il y a l'idiosyncratique dans vos histoires, où est la loi, où est particulier. Et je trouve ça très intéressant, parce que tous les deux vous affrontez franchement vos deux sujets de la même manière, avec un bel enthousiasme, qui nous manque parfois à nous. On a échoué, quoi, sur des hypothèses aussi faciles que les vôtres. Et c'est bien, c'est plaisant de voir à la manœuvre. Parfois, on a un peu peur pour vous, quand même, pour l'ampleur de votre démonstration à faire. Mais sur le fond, je trouve ça très intéressant de dire que vous prenez à bras le corps un héritage du 19e siècle, les modèles urbains, on va parler d'un Benoît, ou les questions foncières pris comme telles. Je trouve que ce sont des vrais vieux modèles anciens qui définissaient des lois générales d'occupation de l'espace extrêmement puissantes et qui, pour la question foncière, notamment, venaient de la monarchie. Finalement, la Révolution française n'a fait que déplacer un petit peu le curseur, mais n'a pas changé radicalement. Elle a déplacé de manière dramatique, hein, parce qu'on ne peut rien faire par rapport aux Allemands, on ne peut faire aucune réparation, etc., grâce à l'article de la Déclaration des droits de l'homme. Comme quoi la propriété est un bien, je ne sais plus quoi, sacré et inaliénable et sacré. Voilà, on est déjà dans la discussion, c'est la première fois que la thèse est bonne, parce que quand on peut la discuter, c'est... Donc moi, je trouve ça intéressant parce que le triangle est un triangle conceptuel, et bien sûr, la question de savoir comment ça va, comment l'enquête peut délivrer des choses nouvelles sur le terrain. Sauf que je trouve ça super ambitieux d'un point de vue du temps à démontrer. Puisque vous faites l'hypothèse hein, qu'il y a une équation possible entre usage du sol et question foncière. Souvent dans vos phrases, on n'a pas de réponse, vous mettez en symétrie la question du sol, l'usage du sol et la question foncière. Alors c'est deux champs de problèmes différents. La question foncière, c'est une question juridique, politique et donc sociale. L'usage du sol, c'est une question de pratique. Et donc on a des systèmes politiques qui tolèrent les pratiques du sol. Relativement souple par rapport à ce que le foncier prévoit, et d'autres pas du tout. Et là, vous avez la grande rupture du XVIIIe siècle entre les protestants et les catholiques, qui continuent à se maintenir aujourd'hui, notamment dans l'héritage du finage, que on ne trouve évidemment pas dans les grandes villes, mais partout. Donc, du coup, moi, je trouve ça très, très, très ambitieux, vraiment extra, et je trouve ça très bien de prendre la question du territoire à la rampe de l'eau, c'est-à-dire cristallisation cumulée, littérature, littérature. Mais sauf que Orgello, il dit quand même que le territoire qui est dans ce c'est de la captation, c'est de la rente privative, enfin c'est de la rente, on exclut territoire de cette manière-là exclut certains de certaines pratiques, et le foncier est un de ces instruments, et puis c'est un système de reproduction, évidemment de reproduction des classes qui possèdent, sans vouloir rentrer dans le débat ouvriste, trotskiste, mais en tout cas l'idée de dire que effectivement le foncier est un dispositif toujours vivant aujourd'hui de reproduction. Enfin, donc j'avais une question toute simple, c'est de dire comment est-ce que vous allez vous en sortir, et pourquoi ces trois terrains-là? Pourquoi en particulier ces trois terrains-là? Pour pouvoir vous sortir de votre problème. Ces trois terrains permettent à chaque fois de, à la fois de décliner, mais de réélargir en fait l'hypothèse en partant de l'hypothèse principale. Donc elle permet, les terrains permettent d'interroger différentes hypothèses. Donc on voyait que dans le cas du canton du Valais, le fait qu'une coprésence actuelle différentes propriétés, donc vraiment avec les bourgeoisies qui sont là depuis très longtemps et qui maintiennent cette activité et qui sont très actives en plus. À mon avis, le sujet sur ce territoire serait la question, ce serait comment est-ce que ces propriétés interagissent au niveau spatial et en termes d'usage. Est-ce qu'il y a des usages spécifiques et uniquement exclusifs sur ces bourgeoisies, est-ce que ce sont les mêmes qui sont possibles sur d'autres types de propriétés? Est-ce que non, vraiment, il y a une dissociation entre usage issu d'une propriété collective, usage issu d'autres types de propriétés? Donc vraiment, c'est de dire il y a une pluralité par les deux propriétés, et de voir si ça crée des différences au niveau des usages et des formes. Au niveau de l'actif, c'était la question de la mutation dans le temps, un système de mutation radicale dans le temps, dans le système foncier, avec beaucoup une nationalisation, une communication, des linceuls qui appartenaient encore à des gens, et qui ensuite, à nouveau, doit être privatisé, et de comprendre comment est-ce que le territoire, qu'est-ce qui a suivi le territoire en termes spatiaux, peut-être d'usage sur des échantillons, parce que forcément on ne va pas mesurer des usages sur ces herbes et non. Et à partir d'un échantillonnage, est-ce qu'on peut voir comment est-ce que ces mutations du statut du foncier se sont traduites ou non, et à la fois en termes de modalité. Et enfin, à Rotterdam, c'était justement finalement, est-ce que ce territoire permettrait de dépasser la question de cette traduction spatiale en termes de usage d'une propriété spécifique, sachant que le sol a été vraiment conçu de manière publique, et du coup permettre de s'ancrer peut-être d'une manière beaucoup plus attentive à la géographie et au processus naturel en place. Et du coup, est-ce qu'on ne dépasse pas finalement aussi la question de la propriété? Oui, vous répondez de manière très descriptive, et c'est bien, vous savez, vous êtes déjà dans la justification de vos choix, mais ça serait bien d'avoir une justification théorique, c'est-à-dire chacun des cas illustre une partie de votre problème, et on ne pourrait pas l'illustrer dans les deux autres. Vous voyez, une espèce de répartition analytique a priori, parce que là, on ne comprend pas. Je me suis demandé si vous n'oubliez pas de nous faire deviner lequel était lequel, là, avec ces trois images, exactement comme vous ne nous avez pas donné les deux citations de Pisani, comme si c'était un questionnaire à trous, pour savoir si vous n'avez pas remplacé le point d'interrogation par un mot. Les deux phrases au final. Voilà, ça. Je me suis dit, tiens, je vais vous mettre un mot à la place du point d'interrogation. Mais non, c'est une blague. Non, mais ça pour vous dire, c'est que voilà, je trouve que l'intérêt de faire une comparaison au niveau du terrain, c'est quand les terrains sont. Enfin, il n'y a pas de doute sur le fait que ce terrain-là est démonstratif avant d'avoir commencé l'enquête. Parce que vous avez fait des hypothèses sur le terrain comme illustrant une partie de cette. C'est un aller permanent. C'est pas, alors, c'est pas uniquement intuitif, c'est pas uniquement déductif. Abduction, très bien. Mais non, non c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on peut être d'accord avec vous. Et voilà, dans l'état actuel des choses, je ne peux pas. Voilà, je fais des allers-retours et j'essaie de définir les hypothèses, d'enrichir au prisme de ce que je peux constater sur ces territoires, dans cette diversité des écosystèmes, justement, foncier. Et c'est loin d'être chassé en ce moment. premier. Je voulais juste vous dire que la notion de système français est déjà pas mal. C'est une belle histoire qui a été travaillée et qu'il faut dépasser l'approche juridique de cette notion. C'est-à-dire que si vous regardez le cas français, votre propriété demeure. C'est le même. Il est même sanctifié par la Constitution, donc ça ne peut pas être plus uniforme. N'empêche que tous les gens qui ont travaillé sur le système français ont montré qu'il y avait une grande diversité du système français. Donc il faut vraiment le regarder dans les. C'est sa composition sociale, on va se dire qui sont les propriétaires, quelle catégorie de propriétaires. Enfin, c'est important de regarder les petits et les gros. Et par exemple, la propriété collective dont aujourd'hui on fait toute une histoire, ça sert pendant très longtemps le système agricole, à permettre aux petits propriétaires de continuer à exploiter. Donc c'était plutôt une confortation de la propriété privée qu'une alternative à la propriété privée. Aujourd'hui, on en fait un espèce de truc comme étant un machin communautaire, mais on garde comment fonctionner les communs, c'est ça. Et là où il y avait plus de grands propriétaires, il n'y avait pas de commun. Donc moi, je vous invite vraiment à regarder ça de près, et aussi, par exemple, dans le cas des villes communistes ou ex-communistes, à dépasser l'idée que c'est une propriété collective et que personne n'a de l'appropriation du sol et de l'immobilier. Parce que déjà, les gens qui étaient dans leur maison, qui avaient gardé leur maison, ils étaient quasi propriétaires du sol, ce qui était. Les familles qui étaient restées là, enfin, je ne connais pas l'Allemagne de l'Est, mais je connais d'autres pays de l'Est. Et puis, il y avait une série de gens qui étaient des apparatchiks, qui aujourd'hui sont devenus les grands capitalistes du monde, et on sait comment ils sont appropriés. Deux choses, la Chine, la Russie. Donc, au-delà des mots, au-delà du droit, il faut regarder. Vous savez, il y a la propriété qui décrit un certain nombre de conditions d'appropriation, mais aussi les conditions réelles. Le partage du sol, le partage des richesses qui vont avec le sol, et ça c'est important. Moi je suis assez rassuré par vos enquêtes, parce que vous avez l'air de bien connaître le terrain, vous avez la volonté des choses, mais prenez ces dimensions en compte. Ne restez pas une idée naïve, enfin le droit ça vaut du tout. D'autres questions ou remarques? Est-ce qu'on peut résumer votre projet en disant que ce qui vous intéresse, c'est de montrer les potentialités d'intervention dans un espace, quel que soit le système foncier, pour contredire en fait le bouton selon lequel il faut faire la table rasable, pour faire quelque chose. Au fond, en tant qu'architecte, c'est sûr qu'il y a cet intérêt de projection et de prospective, les territoires, comment est-ce qu'on peut penser et aider à pousser des barrières écologiques, et j'espère que vous puissiez apporter le territoire. C'est vrai que dans le cadre du mémoire de Jasper et que j'ai vu au moment de l'introduction avec Edgar Finali, c'est que justement l'étude, le projet de paysagiste, qui grâce à ce système foncier, et là, mettre en projet, finalement, de comprendre dans ces tracés, dans ces structures, pour faire ressortir les potentialités du projet. Charlie, maintenant, c'est. Du coup, je pense à l'AFC qui est. Ça va être un terrain, à mon avis, très intéressant pour. Enfin, suivant ce que tu vas regarder, que ce soit les grands ensembles par rapport au processus de redécoupage foncier. Ou dans les centres anciens, on est plutôt dans une subdivision encore du foncier aujourd'hui, par le regard de la population, enfin des dynamiques démographiques. Et je pense que ça peut être très intéressant en fait sur l'évolution, enfin de ce que ça va impacter sur l'évolution typomorphologique et sociale de la ville. Enfin, j'ai un exemple assez concret où justement, vu que. Les gens reviennent dans le centre, mais pas non plus de manière exponentielle. Ils ont des terrains qui peuvent dénuder, resubdiviser pour développer l'habitat individuel ou l'habitat en bande, en milieu urbain, et pas faire de logements collectifs ou des choses comme ça. Donc il y a des choses en termes d'évolution par rapport au contexte économique, démographique, culturel du lieu qui là peut être assez intéressant, voire prospectif par rapport à d'autres dynamiques. Territorial qu'on peut voir en Europe par rapport à ces questions-là. Merci pour en discuter. discuter, mais je pense que ça, en termes, par rapport à ces questions-là, que ce soit en initiative habitante ou réflexion architecturale et urbaine, c'est une vraie référence à regarder ces questions-là. Je soutiens ton choix de site.